de la chance, mais dis-moi elle est où. Malgré les critiques sur moi, je reste debout. C'est pas les sous qui donnent à ma vie du goût. Donc moi je reste le même du coup. Gros motard et quand le gros voleur au volant. Moins de violence avant braquer sous le collant. J'ai le boucan, j'en fais un, je rase le collant. Autant si je t'évite, c'est que t'es collant. Perso, je m'en bats les couilles de vous. J'suis en Marseille, j'suis seul, je vais n'importe où. Fais gaffe, il fait style, rien à voir, il écoute tout. C'est pas un MNR, il suit le troupeau comme un mouton. Des mythos, des fécheurs, j'en connais beaucoup. En groupe, ça fait le mal quand c'est seul, ça crie au secours. Déréglé, j'me suis levé vers les 12 coups. Je fais un son, je suis en forme vers le crépuscule. Fais gaffe, les petits, ils ont des 12 coups. Ouais, j'le sens pour eux, ça sert à rien la muscu. Si tout le monde se parle plus, mais dis-moi, on va aller où. On va traiter de fils de pute si demain tu rends pas les coups. Je cherche la chance, mais dis-moi, elle est où. Malgré les critiques, sur moi, je reste debout. C'est pas les sous qui donnent à ma vie du goût. Donc moi, je reste le même du coup. Gros motard et gros voleur au volant. Moins de violence avant braquer sous le collant. J'ai le boucan, j'en fais un, je rase le collant. Autant si je t'évite, c'est que t'es collant. J'suis dans mon coin, arrêtez de me chercher des pouilles. J'ai fumé la beuh, c'était la frappe, tellement je sentais même plus mon pouls. Les jaloux, je les ai atteints, m'entendent même au petit matin. Moi, je respecte tout le monde du clochard, même à la petite catin. J'vis dans un monde de requins, t'es plus à la mode comme les requins. J'étais tellement trop cramé que mon RS3, ben je l'ai repeint. Elle avait faim de moi, je l'ai vu, mais elle faisait la daddy. Elle faisait la mac, elle sentait le snack, et ça, je l'y ai pas dit. Dis pas ton âge, m'en bats les couilles, on a tous grandi. Crois pas, même dans la montagne, y'a des bandits. J'aime les survêtes, ça me va pas, j'trouve des grandines. J'monte à Paris, j'écoute de tout du Billie Jean. Je cherche la chance, mais dis-moi elle est où. Malgré les critiques, sur moi je reste debout. C'est pas les sous qui donnent à ma vie du goût. Donc moi je reste le même du coup. Gros motard égale gros voleur au volant. Moins de violence avant braquer sous le collant. J'ai le boucan, j'en fais un, je rase le collant. Autant si je t'évite, c'est que t'es collant. Je cherche la chance, mais dis-moi elle est où. Malgré les critiques, sur moi je reste debout. C'est pas les sous qui donnent à ma vie du goût. Donc moi je reste le même du coup. Gros motard égale gros voleur au volant. Moins de violence avant braquer sous le collant. J'ai le boucan, j'en fais un, je rase le collant.